Vous, qu'est-ce que vous pensiez de ça, quoi? Et là, moi, en étant militaire, bon, ben, en étant français, surtout en étant français, bon, ben, quand même, c'est dommage, surtout les gens qui habitaient l'Algérie, qui étaient français également, c'est dommage d'avoir perdu une colonie comme ça, hein.